Érotique. Je me réveille toutes les nuits avec une putain de trick. Pourtant mes rêves s'ennuient. Il n'y a ni loup ni polar caché au fond de mes draps. Ma bite se dresse malgré moi. Elle révolutionne oula. Des fois j'ai peur qu'elle s'abstine, qu'elle soit de mars en moulin, que toute bleue elle ne respire. Plus elle se finit au jean, elle en a marre de pisser. Elle aimerait explorer. La spéléologie c'est fou, ça l'excite plus que les sous. Faudra bien qu'elle se résigne, y'a plus de cœur à la quine. Mais c'est bien qu'elle s'aime.